Voilà, c'est l'intempestive. Ce que je voudrais dire, ce qu'on voudrait dire également, parce que ça nous paraît important aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, et même des responsables de radio, ce qui est un peu plus triste, ne cessent de nous rappeler le respect de la loi, etc. Nous trouvons qu'il y a dans cette argumentation du respect de la loi quelque chose d'assez indécent, pour tout dire. Dans la mesure où, si on a pu connaître la situation que l'on a connue, c'est-à-dire la multiplication de radios libres sur la bande FM, c'est précisément parce qu'à une époque où il existait en matière de radiodiffusion une seule loi qui sacralisait le monopole d'État en matière de radiodiffusion, si tout cela a pu exister, c'est parce que des hommes se sont dressés contre la loi qui existait et se sont battus au mépris de cette loi. Alors, entendre ce discours qui a tendance à s'amplifier aujourd'hui de respect de la loi, etc., de respect de la législation, ça nous paraît à nous quelque peu indécent. Et d'autre part, ce qu'on voudrait dire, puisqu'on fait référence à cette lutte qui s'est faite au cours des années passées, c'est qu'elle s'est faite, cette lutte, en dehors des partis politiques représentatifs, comme l'on dit, qui siègent à l'Assemblée, à savoir qu'à l'époque où s'est déclarée la lutte pour l'existence des radios libres sur la bande FM, nous avions au gouvernement un régime de droite, un régime giscardien. Par conséquent, cette bataille s'est faite contre l'UDF et contre le RPR qui étaient alors au pouvoir et qui ont réprimé les gens qui s'étaient lancés dans cette bataille, mais elle s'est faite également d'une certaine manière contre les partis d'opposition, puisqu'on avait d'un côté le Parti communiste qui était ouvertement favorable au monopole d'État en matière de radiodiffusion, et nous avions d'un autre côté le Parti socialiste qui, s'il n'était pas clairement en faveur de ce monopole d'État, ne faisait rien, en tout cas, pour briser ce monopole d'État en matière de radiodiffusion. Par conséquent, la chose sur laquelle nous voulons mettre l'accent, c'est que cette lutte pour l'existence des radios libres sur la bande FM s'est faite en dehors des partis politiques, et non seulement en dehors des partis politiques, mais contre eux. Et aujourd'hui, que ce soit la gauche ou que la droite soit restée au pouvoir, eh bien il appartient à ce même pouvoir politique de régler la question des radios libres, de régler la question de la bande FM, alors que l'existence des radios libres s'est faite encore une fois contre eux. Et ce fait-là nous paraît proprement scandaleux. Voilà, la voix que vous venez d'entendre, elle date de 1983 et c'est celle d'un militant de Radio Libertaire. Elle donne bien le ton de cette émission qui va donc revenir sur l'histoire de Radio Libertaire avec Laurent. Alors, on est avec Laurent, qui est actuellement permanent à la librairie Publico, qui a été un militant actif des radios libres à travers Radio Alarme, qui actuellement fait partie de Radio Libertaire. Donc, on va faire l'histoire de Radio Libertaire avec toi, Laurent. Salut. Bonjour. Ben, avant que n'arrive Radio Libertaire sur les ondes, j'étais effectivement avec un groupe militant qui était sur Évry, Ris-Orangis, dans l'Essonne, un groupe qui était donc à la Fédération anarchiste. On avait créé une radio qui s'appelait Radio Alarme, qui a eu une existence très très brève parce qu'on a été saisi par la police, comme plein de radios à l'époque. Et on émettait très très peu. On émettait une fois par semaine le dimanche matin. Voilà, c'était des émissions, une émission qu'on préparait pendant la semaine et qu'on émettait à chaque fois d'un endroit différent. Enfin, bon, c'était vraiment l'époque de la radio pirate dans toute sa splendeur. On émettait en haut d'immeubles, des maisons abandonnées, enfin voilà, partout où on pouvait. Donc on a fait 16 émissions. Donc on émettait sur la région. On émettait même assez loin, puisqu'à l'époque, la FM n'était pas du tout encombrée. Alors avec un tout petit émetteur, on portait assez loin. Et comment vous avez trouvé d'ailleurs le matériel pour faire les... Alors on l'avait eu par le biais, alors c'était un émetteur italien, je m'en rappelle, et on l'avait eu par le biais d'une autre radio parisienne, mais alors je ne me rappelle plus laquelle. Voilà. Et donc on s'était lancé dans cette aventure-là, qui a duré 16 semaines. Et on a été saisi après la 16e émission, qu'on avait délocalisé, si on peut dire, puisqu'on était venu à la demande d'autres copains libertaires qui étaient sur Fresnes. On était venu faire une émission sur les prisons. Voilà. Et est-ce que c'est le sujet chaud ou pas qui a provoqué la saisie de la radio? Le fait est que le dimanche suivant, voilà, on a été saisi à Évry, dans l'Essonne, tout de suite. Voilà, c'était peut-être une des, si ça se trouve, une des toutes premières émissions adressées aux prisonniers. Ouais, ce qui va devenir d'ailleurs enfin, les émissions pour les prisonniers ou de messages des familles, etc. Elles sont restées en fait sur toutes les radios militantes en réalité. C'était une des caractéristiques aussi de pas mal de radios libres. Ben, c'est resté une des particularités des radios libres, effectivement. C'était de faire des émissions qui relayaient des messages de famille ou autres, ou qui donnait la parole à des gens de l'extérieur qui relayaient ben, les luttes de prisonniers, tout simplement. Et donc le groupe qui a créé Radio Alarme, c'était qui au départ ? Ben, c'était un groupe militant qui était sur Ris-Orangis, dans l'Essonne, qui était donc adhérent à la Fédération anarchiste. Alors, on a peut-être été inspiré par le fait que nous-mêmes écoutions beaucoup les radios libres, qu'on a eu envie d'en faire, comme je pense plein de gens à l'époque, tout simplement pour s'exprimer. Hein. Moi, j'écoutais beaucoup sur Paris à l'époque, Carbone 14. D'autres copains anarchistes avaient fait sur Toulon une radio qui s'appelait Radio Trottoir. Et tout cela nous a invités à nous lancer dans l'aventure. Et on s'y est lancé et on a fait avec passion 16 émissions. Ça a été interrompu un petit peu rapidement. On a été interpellé en haut d'un immeuble, sur lequel on était un immeuble en construction. Et voilà, les flics ont interpellé deux, trois personnes. Ensuite, l'émetteur qui avait pu être sauvé a été, lors d'une perquisition, a été saisi chez un copain. Et ensuite, il y a eu la suite, ça a été le procès. Ça a été le procès. Au moment du procès, la gauche était arrivée au pouvoir, donc il y avait eu quelques changements dans le paysage. L'émetteur nous a été restitué. Mais c'était quand même la fin de Radio Alarme, puisque au même moment, sur Paris, Radio Libertaire avait commencé ses émissions. Et pour un certain nombre d'entre nous, on a fait le choix de venir sur Radio Libertaire à Paris. Ça, c'était Le Temps des Cerises, chanté par Léo Ferré et compagnie. Le Temps des Cerises, c'est le morceau qui va devenir l'indicatif et le symbole de l'antenne de Radio Libertaire. Et donc, on revient tout de suite, toujours sur FPP et toujours dans l'intempestive, avec Laurent, un des animateurs de Radio Libertaire, pour parler des premières années de la radio. C'est au congrès du printemps 80 de la FA, à Neuilly-sur-Marne, que la naissance de Radio Libertaire est décidée. Là, c'est encore la création d'une radio pirate, c'est pas dans le cadre légal qui va être ouvert après. Non, c'est avant, c'est le moment où s'engouffrent sur la bande FM plein de radios. Essentiellement, on peut dire un camarade qui s'appelait Julien, qui maintenant est mort, depuis quelques années, fait cette proposition au Congrès qui n'y croit pas trop. Hein. Disons que c'était peut-être pas dans les habitudes militantes d'utiliser une radio. Voilà, tout le monde pensait avec tracts, affiches, journaux, etc. Mais la radio, c'était pas encore un truc qui était bien accepté. Donc il a fait son projet avec un petit budget, ça a été débattu, ça a été accepté. Et donc, 1er septembre 81, bah, la radio a commencé, alors, dans des conditions très très modestes. Hein, au point de vue humain, il y avait 4 personnes, plus 2-3 autres qui venaient aider. C'était dans une petite cave d'un local qui existe toujours, rue Robert Planquette, dans le 18e arrondissement, où il y a maintenant une petite bibliothèque libertaire. Dans la cave, il y avait un mini-studio, mais alors vraiment aménagé avec 3 fois rien, des platines de récupération. Les copains avaient amené leur CD, enfin leur CD non, leur vinyle à l'époque. Et ça a commencé comme ça, hein, dans des conditions très très précaires. Hein. Je crois que le premier budget de Radio Libertaire, c'était quelques milliers de francs, hein, si j'ai bonne mémoire. C'était vraiment rien, rien du tout. Et puis après, ben, rapidement, la dynamique était enclenchée. Et puis après, ça n'a cessé que de se développer, quoi. Alors, comment elle s'est constituée au départ, Radio Libertaire? Vous n'émettiez pas 24 heures sur 24, déjà? Non, c'était uniquement, je crois, du lundi au vendredi, de 18 à 22 heures. Hein, donc, c'était très, très limité dans le temps. Et c'était tous les soirs la même petite équipe de 4-5 personnes qui faisait. Oui, donc il y avait Julien qui avait eu l'idée au départ, hein, de cette radio. Yves Perrault, qui est mort aussi, ça fait un peu rubrique nécrologique. Il a fait un très bon bouquin sur l'histoire. Voilà, qui a fait sur les premières années du moins, il a fait un très bon livre sur l'histoire de Radio Libertaire. Gérard Caramaro. Et puis Floréal Melgar, qui est resté très longtemps animateur à Radio Libertaire, et qui par la suite, et depuis quelques années, a lancé un lieu sur Ivry-sur-Seine qui s'appelle le Forum Léo Ferré, qui se consacre à la poésie, à la chanson, etc. Léo Ferré, d'ailleurs, on va en parler, parce que c'était dès le départ, en fait, Radio Libertaire a diffusé et diffuse toujours beaucoup, beaucoup de chansons françaises, chansons anard. Ben, sur l'aspect musical, ce qui a certainement contribué au début à faire connaître Radio Libertaire, donc comme plein de radios, je pense que c'était le ton qui était libre, hein, les débats, etc. Et puis une spécificité qui était effectivement la diffusion d'une chanson de langue française engagée, alors de Brassens à Lavilliers, en passant par Ferré et... Bah, tous les artistes qui pouvaient se situer dans ce créneau particulier. Ça a dû sans doute énormément contribuer à faire connaître Radio Libertaire, puisque bah, cette chanson n'existait pas ailleurs, hein, sur la FM. Ensuite, il y a plein de genres musicaux, évidemment. Hein. La radio s'est élargie autant dans ses heures de diffusion que dans ce qu'elle pouvait programmer. Et donc les premières émissions, je suppose que c'était essentiellement des émissions de contenu pour diffuser justement des contenus politiques libertaires. Que l'accent était mis là-dessus. Ben, au départ, c'était la formule était simple. Hein, les premiers mois de la radio avec cette petite équipe, c'était un invité quotidien. Alors, qui pouvait être politique, culturel ou autre. Mais le principe, c'était un invité quotidien. Et certainement grâce à Julien, qui avait bah, une idée de ce que devait être une radio, et en particulier Radio Libertaire, l'esprit n'a pas été de faire une radio militante au sens reproduire des tracts à l'antenne. Hein. C'était au contraire s'ouvrir, nous ouvrir aussi, nous. Ce qui fait que le ton n'a pas été le ton d'une radio politique comme a pu être, par exemple, le ton d'une radio politique qui arrivait après, qui s'appelait, je crois que c'était Radio La Bulle, si j'ai bonne mémoire, qui était la radio de lutte ouvrière, bon, qui était vraiment construite sur le principe de communiquer, de messages, de discours entrecoupés de musique. Je pense que Radio Libertaire, ça a été une liberté pour ceux qui l'écoutaient, puis aussi pour ceux qui l'ont fait. Bah, Radio La Bulle, justement, ça nous permet de... Parce que Radio La Bulle, vous allez avoir des déboires avec eux. La Radio Libertaire, au départ, s'installe sur le 89.5. Oui. Ça va être une bataille de plusieurs années pour tenir la fréquence, à la fois contre l'État, qui va la brouiller, ou qui va l'interdire, etc. On va revenir dessus. Et contre des petites radios qui vont s'installer à proximité. Radio La Bulle s'était installée sur le 89.3. Et puis on va voir qu'il y a d'autres radios. Donc pour revenir justement à ce moment en 81 où l'État socialiste, enfin le gouvernement socialiste veut légaliser les radios. Georges Filliou, qui est chargé de ça par Mitterrand, fait un appel en disant « les radios qui vont déposer un dossier pourront éventuellement être légalisées ». Par contre, rapidement, ça va être un peu la désillusion, étant donné que les socialistes, qui vont être appelés, surnommés les bûcherons roses plus tard par un des militants de Radio Libertaire, font une série de mesures en fait, qui sont très très restrictives. Ils annoncent déjà que seules les radios qui émettent 24 heures sur 24 seront dérogées, alors que Radio Libertaire a 4 heures environ de programme par jour. Et puis, dans la première liste des radios autorisables, Radio Libertaire ne figure pas du tout, ni d'ailleurs Fréquence Gay ou RFM ou d'autres radios de ce type. Donc c'est l'époque, à ce moment-là, des premières mobilisations de Radio Libertaire pour garder sa fréquence. On a mené à l'époque beaucoup de choses, parce que tout allait de pair. Dans le même temps, on élargit nos horaires d'émission, hein, c'est-à-dire qu'on va émettre 18 heures par jour, puis 24 heures sur 24. Donc ça, ça modifie déjà la vie interne de la radio. On sort du cadre d'une petite équipe qui se connaît bien pour élargir les programmes. Plein de gens rentrent dans la radio, bon, beaucoup de militants de l'AFA, mais aussi beaucoup d'autres. Dans le même temps, la radio gagne des auditeurs. Hein. Je me rappelle, à l'époque, on avait accès à des sondages et on découvre avec surprise qu'on a beaucoup, beaucoup d'auditeurs, hein, ce qui était une grosse surprise. Et puis, dans le même temps, y a toutes ces tracasseries qui arrivent, les brouillages, effectivement, d'autres radios qui veulent s'installer, les brouillages de l'État, et puis l'aspect légal de la lutte, hein, pour essayer, effectivement, d'être dérogé. Et tout ça, semaine de front, hein, puisque y a quand même un enthousiasme assez large qui porte Radio Libertaire. Il y a vraiment une envie de se battre. Tout ça se fait assez naturellement. Autant la construction des émissions, l'élargissement des heures d'antenne, que le soutien, que la bataille contre les brouillages, etc. Tout cela se mène de front jusqu'à cette date, effectivement, où on n'est pas sur cette liste de radios, comme plein d'autres radios. Et à partir de là, on sait que la bataille va être beaucoup plus dure, quoi. Nous espérons, quant à nous, puisque nous pensons que 89.5, c'est la fréquence de Radio Libertaire, au point que cela nous a fait dire à plusieurs reprises que Radio Libertaire sur 89.5, cela ne se négociait plus. Nous espérons donc que les responsables d'énergie auront la pudeur, au cas où nous serions victimes d'une répression, d'attendre au moins 24 heures pour venir s'installer sur cette fréquence de 89.5. Ça, c'était un militant de Radio Libertaire qui réagissait en 1983, en août 1983 pour être précise, à la bataille qui faisait rage à ce moment-là sur la bande FM et qui menaçait beaucoup Radio Libertaire. Le gouvernement venait de décider que Carbone 14 n'avait plus le droit d'émettre, venait de saisir la radio et d'attribuer la fréquence de Carbone 14 à une radio qui avait été autorisée, Fréquence Gay. Et Fréquence Gay n'avait pas attendu 2 minutes pour aller s'installer sur cette nouvelle fréquence. Ce que Radio Libertaire craignait, c'est que Énergie, qui dans le nouveau plan de fréquence s'était vu attribuer la fréquence historique de Radio Libertaire, que Énergie donc vienne s'installer tout aussi rapidement et empêche Libertaire de continuer à émettre. Et donc on va parler de ça, on revient tout de suite toujours dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel avec Laurent. Énergie en réalité va pas occuper sa fréquence dans l'immédiat parce que parce qu'elle fait partie au départ du mouvement des radios libres qu'elle va trahir après, quoi, puisqu'elle elle a profité de ce mouvement pour créer une radio commerciale. Comme plein d'autres. Mais au départ, voilà, elle agit, elle n'occupe pas cette fréquence. Et je pense que les actions un peu musclées de Radio Libertaire, soit au niveau des occupations qui sont menées à ce moment-là, soit dans les discussions avec les autres radios, l'incitent à pas trop toucher au 89.5 historique de Radio Libertaire. Ben, faut dire que comme on avait réagi par rapport à d'autres radios, je pense qu'on était un petit peu, on était un petit peu redouté, servi en cela par les images habituelles qui peuvent courir sur le mouvement anarchiste. Tout ça nous a servi, mais ça nous a pas évité quand même bon nombre de brouillages. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de radios qui nous ont brouillés. Certaines sont devenues par la suite des grosses radios commerciales, d'autres ont eu une existence éphémère. Mais on s'est toujours défendu. Une radio qui nous brouillait, qui émettait de la place des Abbesses, on l'a occupée. Donc c'était dans un hôtel, je m'en rappelle. Et on a occupé cet hôtel avec force, drapeau noir, banderole, etc. Une radio qui était, dont le président devait être le chanteur Daniel Gérard, si je ne me trompe pas, avait été aussi occupé par des militants. Il y a eu plein d'actions comme ça. Enfin, on s'est vraiment défendu, hein, tout simplement. On s'est défendu, tout simplement. Occupation de la SACEM Alors, occupation de la SACEM, ça a été vraiment assez... oui, ça a été une époque assez, assez riche. Et puis, ben, c'était le contexte. Hein, c'était le contexte pour nous et plein d'autres. On s'était battu pour être sur la FM. On voulait y rester. Et en même temps, on commençait à pressentir que, pour beaucoup, la volonté était de se construire une place au soleil, hein, pour la suite. Donc, on voulait vraiment, comme Radio Libre, exister. Ce qui nous a amené d'ailleurs à constituer, à participer à la formation d'un espèce de front des radios libres. À un moment donné, au cours de ces deux années qui viennent de s'écouler, il y a eu sur notre petite portion de bande FM, là où Radio Libertaire émet, un accord entre les partenaires qui figurait sur cette portion. C'est-à-dire qu'à notre droite et à notre gauche, sur la bande FM, et ça allait, je crois, jusqu'à Radio Solidarité, et même au-delà jusqu'à Fréquence Gay, et un peu aussi de l'autre côté, nous nous sommes entendus avec tous ces partenaires de façon à occuper des fréquences pour que chacune de ces radios ne gêne pas sa voisine, et nous avons fait, je n'oserais pas dire la police des ondes dans ce quartier, parce que je laisse ce vocabulaire à M. Jeannet, à M. Filiou et à Mme Cotta, mais en tout cas nous avons fait ce qu'on pourrait appeler une petite autogestion de notre bout de bande FM. Si les autres ne l'ont pas fait plus loin sur cette même bande, c'est un peu dommage, mais en tout cas ça fonctionnait de manière assez parfaite sur ce bout de bande FM avant que la haute autorité et les organismes qui ont précédé ce gadget gouvernemental ne viennent semer le désordre sur cette bande FM. Nous, on était toujours dans l'esprit des radios libres, à savoir que pour nous, les radios libres devaient être un espace politique, culturel, associatif, et ça devait être défendu. Pour nous, l'esprit des radios libres, c'était ça, et donc on pensait qu'il y avait de la place pour tout le monde dans la FM, et que pour bah, que cette place, elle existe, il fallait savoir se battre ensemble. Ce qui n'était pas l'esprit général, même si on s'est battu avec plein de radios, je pense à Carbone 14, je pense à d'autres, il y a quand même eu un esprit dans ce sens-là. Ça nous paraissait important, et des fois je me rappelle que j'avais été sur des débats dans d'autres lieux, notre point de vue n'était pas toujours compris. Hein, parce que au moment où donc cette liste avait été donnée, il y avait une radio qui est une radio intégriste, et je disais mais cette radio doit pouvoir vivre. Si elle doit mourir, c'est faute d'auditeurs, faute de moyens, parce qu'elle correspond à rien. Mais même si on est contre, même si on les combat, c'est une expression qui correspond à ce que sont les radios libres, des expressions politiques, culturelles, associatives, diverses et variées. Donc elle doit exister, et on ne doit pas se dire dommage pour Radio Libertaire, mais tant mieux pour elle. Mais c'était pas facilement compréhensible. Il y avait un esprit individuel et partisan où on voyait bien que chacun essayait quand même de tirer son épingle de ce jeu qui était assez compliqué, quoi. Donc de mon point de vue, ce front n'a pas vraiment existé. encore un petit souffle de vent. Ni Dieu ni maître, donc, en occitan par Jean-Paul Verdier. Ni Dieu ni maître, ma foi, une formule qui nous est fort chère à Radio Libertaire, puisque Radio Libertaire, c'est la voix sans maître. Et si un silence, effectivement, de l'émetteur, j'allais dire retentirait, il est vrai qu'un silence peut quelquefois retentir, en l'occurrence, c'est une formulation imagée mais réelle. Si donc un silence se fait, je surenchéris encore, un silence se fait entendre et vous inquiète, puisqu'il y a de quoi, eh bien vous téléphonez au 262 90 51, qui correspond donc au numéro de téléphone du studio, et si ce numéro de téléphone ne répondait pas, puisqu'il sera coupé certainement, c'est un processus logique de la part des flics qui sont cons, mais jusqu'à un certain point toutefois, donc on imagine qu'ils couperaient le téléphone, si également à ce numéro de téléphone vous n'arrivez pas à nous obtenir, eh bien téléphonez immédiatement à un numéro de téléphone. C'est le 805, le 805 34 08, le 805 34 08 qui correspond à l'adresse de notre librairie, la librairie du Monde Libertaire, et qui est également le siège social de Radio Libertaire, où vous aurez toute information concernant ce qui nous est arrivé et la suite ultérieure à donner à ce combat, puisqu'en l'occurrence une saisie serait le début d'un autre combat de toute façon. Je pense que c'est la position qu'on a toujours eue, et c'est de toute façon le reflet de notre détermination, parce que pour préciser, on renoue un peu avec la confrontation du mouvement anarchiste avec les différentes forces publiques. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas été confronté avec l'État directement, et aujourd'hui, eh bien, l'État semble mettre les bouchées doubles pour, en ce qui nous concerne, sous couvert de problèmes techniques sur la modulation de fréquence, en profite donc pour essayer de nous bâillonner, de bâillonner ce qu'on représente, nos idées, de bâillonner aussi une critique actuelle de la société, reliée évidemment à un projet de société, dont la radio est justement le porte-parole. Il s'agit véritablement de nous interdire en tant qu'expression militante. Voilà, c'est, je pense, tout ce qu'on peut dire pour le moment. On attend donc les personnes de Carbone 14. Voilà, vous avez bien retenu le 805 34 08. On revient tout de suite avec Laurent, donc toujours de Radio Libertaire, qui a donc survécu à cette période. Et on continue à parler de l'histoire de la radio dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel. Il va y avoir une mobilisation un peu plus forte au moment où donc cette première liste de fréquences, elle devient applicable. Donc ça, c'est à partir de juin 83 qu'elle est finalisée, fixée. Et l'État donne 2 mois aux radios pour appliquer de fait le plan de fréquence, ce qui va se solder, puisque Radio Libertaire n'y apparaît pas, puisque le 89.4 est attribué à une autre radio, etc., par des interventions violentes de l'État contre les radios qui refusent d'appliquer le plan de fréquence. Ça commence par Carbone 14, dont tu parlais, au mois d'août 83, et puis très vite Radio Voca, puis Radio Libertaire qui se font casser leur studio. Est-ce que tu peux nous raconter ce mois d'août 83? Ça a été une période de mobilisation assez, assez intense. On était dans un esprit très particulier, à savoir que beaucoup d'entre nous pensaient qu'on allait gagner. ce combat, pas évident pourtant au départ. Donc ça a été une grosse mobilisation. Ça a été aussi beaucoup de soutien politique, associatif, syndicaux ou autres. Et puis ça a été donc la saisie, malgré tout, malgré le fait qu'on avait mis en place un certain nombre de choses, même si le combat a été... À partir du moment où l'État intervient avec des forces, on sait que le combat est perdu. Mais c'est évident qu'on n'allait pas ouvrir la porte, hein, comme Radio Voca n'a pas ouvert sa porte, ni Carbone 14, ni tout. Radio Voca menaçait d'en venir aux armes. Oui, ils avaient menacé d'en venir aux armes. Nous, on s'était contenté d'occuper le studio 24 heures sur 24, il y avait du monde 24 heures sur 24. On avait installé une porte blindée et c'était sûr que cette porte, on n'allait pas l'ouvrir, quoi. Donc quand l'alerte a été donnée, fin août, appel a été fait à l'antenne donc de venir, hein, sur le lieu de l'émission qui était sur la butte Montmartre. Et là, bah, y avait une présence policière assez importante, hein, tout autour de la radio. Et bah, ils sont rentrés, ils ont défoncé la porte, ils ont saisi le matériel, saisi l'antenne. Il y a eu quelques petites escarmouches à l'extérieur. Mais voilà, donc là, à ce moment-là, c'en était fini de Radio Libertaire sur les ondes. Bah pour nous, c'était pas fini. C'est-à-dire que on a continué à développer le soutien autour de Radio Libertaire en organisant dès la rentrée, le 3 septembre, si j'ai bonne mémoire, une manifestation, Place de la République, une manifestation auquel on avait convié d'autres radios. De mémoire, je me rappelle des banderoles de Voca qui étaient là, peut-être de Carbone 14, hein, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mais en tout cas, on a fait une manifestation où il y a eu du monde. Il y a eu plusieurs milliers de personnes. Et dans le même temps, moi je faisais partie de ces quelques camarades, pendant que la manifestation avançait avec 2-3 voitures sono, on est reparti donc au studio de la Butte Montmartre. On a fait sauter les scellés qui étaient posés sur la porte. Et avec du matériel qu'on avait prévu, on a donc remis. Donc en direct pendant la manifestation. Et c'est reparti comme ça, en fait. Et c'est reparti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même s'il y a eu d'autres petits ennuis. Mais globalement, à partir de ce jour où on a fait sauter les scellés pour réémettre, malgré les problèmes qui se sont posés par la suite, ben on a toujours émis. On a toujours émis illégalement, puis jusqu'à donc l'autorisation d'émettre qui nous a été accordée jusqu'à aujourd'hui. Journal exceptionnel ce soir sur le poste parisien, puisque nous allons... Georges Filiou avait prévenu, nous allons mettre de l'ordre sur la bande FM à Paris. C'est fait, les 12 radios privées qui continuaient d'émettre sans autorisation ont vu leur matériel saisi par la police. 7 opérations la semaine dernière, 5 ce matin, comme ici, à Radio Libertaire. Le scénario est connu, arrivée des policiers au petit matin, saisie du matériel, parfois de façon musclée, et en cas de résistance, interpellation. Il y en a eu 6 aujourd'hui au siège de la radio anarchiste. Mais ceux qui ont le plus vivement réagi sont les amis de Radio Voca, la radio des indépendantistes antillais. Les animateurs avaient menacé d'utiliser des armes, ce ne fut pas le cas, mais 28 sympathisants ont été interpellés. Après ces opérations, en principe, il n'y a plus de pirates sur la bande FM à Paris. Ils ne devraient plus gêner, comme le dit le ministre de la Communication, les auditeurs des radios autorisées et la navigation aérienne. Mais Radio Télém, saisie ce matin, parle de bavure et affirme qu'elle avait une dérogation officielle. Enfin, Carbone 14, saisi la semaine dernière, a repris ses émissions hier. L'ordre ne règne pas encore tout à fait. L'autorisation d'émettre, c'est en 84, voilà. Vous l'avez, je crois. Et avant ça, il y a encore quelques petites péripéties, des rencontres avec le CSA de l'époque, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, qui essaye à tout prix de vous marier avec d'autres radios, c'est-à-dire de pas vous donner une pleine fréquence, puisque leur discours c'était qu'il n'y avait pas assez de place sur la bande FM pour l'ensemble des radios qui voulaient émettre. Une grande partie de la bande FM étant à ce moment-là réservée pour les militaires, quoi, en gros. Et du coup, ils essayent de vous marier avec Radio Montmartre, avec Fréquence Gay, et à chaque fois, le projet échoue, enfin, le projet de mariage, de recrutement échoue. Plus d'ailleurs du fait, apparemment, de vos partenaires potentiels. Ben, je pense que pour plein de gens, c'était pas forcément une bonne image de marque par rapport à leurs critères, à eux, de se retrouver regroupés effectivement avec Radio Libertaire. Mais je pense que tout le monde a bien fait, puisque ces radios ont une fréquence. Et je pense que c'était bien. Enfin, certaines ont été regroupées hein, par la suite. Mais de notre point de vue, je pense que c'était bien, puisqu'on a eu une fréquence 89.4 pour nous. Ultime péripétie, c'est que, des premières années en tout cas, c'est que TDF, c'est-à-dire Télédiffusion de France, qui était l'organisme qui faisait les brouillages pour l'État, porte plainte contre Radio Libertaire pour puissance excessive ou quelque chose comme ça en 84. et elle suspend l'antenne, comme un certain nombre d'autres antennes, comme Énergie. Ce qui donne lieu à une autre grande manifestation, le 6 décembre 1984, où en réalité il y a deux manifestations qui se passent en même temps. Il y a celle qui est un peu restée dans l'histoire de Énergie. De Énergie, oui. Voilà, un peu caricaturale, de Énergie portant flambeau du mouvement des radios libres. Et puis l'autre, dont on va peut-être plus parler, de Radio Libertaire. C'était une manifestation moins intense à tous les niveaux que l'autre. Hein. Il y avait. Le danger n'était peut-être pas perçu aussi gravement par les auditeurs déjà. Et ça a été une manifestation moins intense, ça a été une mobilisation, fallait la faire, il y a eu du monde malgré tout, mais on ressentait pas malgré tout ça de la même façon. Mais bon, la volonté de se battre était toujours là, il fallait descendre dans la rue, on l'a fait, et là aussi je pense que c'était bien. Je pense que tout ce qu'on a vécu par la suite, on l'a quand même perçu comme une menace beaucoup moins grave. Hein. On avait quand même eu l'autorisation d'émettre. On sait que cette autorisation, elle est toujours suspendue, malgré tout, à la volonté de l'État. Mais les conditions n'étaient plus les mêmes. Enfin, je ne peux pas parler pour l'intégralité des copains et des copines de la radio, mais quand même, le gros du travail, on l'avait fait. Et on avait été autorisé quand même à partir d'un soutien très très large. Très très large, on a été énormément soutenus, on a construit quelque chose d'important et on pensait que ce qui avait été construit ne s'était pas érodé et que s'il le fallait, on pouvait reproduire une même mobilisation où il y a eu des actions à Paris, mais il y en a eu aussi en France, des groupes libertaires en France perturbaient d'autres émissions de radio d'État, etc., jusqu'au mouvement anarchiste international qui a manifesté devant des consulats, des ambassades, etc. Donc on savait qu'on pouvait recompter sur ce niveau de mobilisation s'il le fallait. Toujours sur FPP dans l'intempestive, on va écouter maintenant, pour conclure cette période de lutte de Radio Libertaire à ses débuts en 1983, on va donc écouter la conférence de presse qui avait été donnée par Radio Libertaire après la saisie de ses studios. Oui. À propos du mensonge de M. Filiou sur le nombre limite actuel sur la bande FM parisienne, puisque c'est là que le problème se pose, il faudrait tout de même le rappeler en Allemagne notamment et aux États-Unis sur la même bande de fréquence modulée de 88 à 108 MHz. Ce ne sont pas 22 stations, mais en moyenne 40 ou 50 qui figurent et de manière parfaitement audible. Donc c'est un mensonge supplémentaire, on peut faire absolument ce qu'on veut sur la bande FM, et ça il faut le rappeler. Lorsque M. Filiou dit 22 est le nombre maximal, il ment, rappelons-le, parce qu'avant c'était 15 puis 18, et puis il ment en absolu puisque c'est pas 22, ça peut être 40, il suffit d'aménager. D'ailleurs, il faut rappeler que Radio Libertaire avait, au vu de ses techniciens et des dires de ses experts, présenter un plan de fréquence au secrétariat d'État à la communication, et ce plan de fréquence, et bien naturellement, on n'en a plus jamais entendu parler. Il ne s'agissait pas de 22, mais d'une quarantaine, je crois 40, il y a un chiffre précis, 50, enfin, entre 40 et 50 stations à Paris intramuros. Et puis la seconde raison qui essaie de justifier l'interdiction de Radio Libertaire, c'est notre prétendu refus à vouloir nous regrouper. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, c'est que Radio Libertaire, en tant que telle, est le regroupement de quatre radios, Radio Libertaire Paris, Radio Liberté, Radio Espéranto et Radio Libertaria. Ce que semble nier la haute autorité et les différentes commissions qui ont travaillé sur ce sujet, et ce qu'il est curieux de constater, c'est que d'un côté, on nie que Radio Libertaire soit le regroupement de quatre radios, et d'un autre côté, ces mêmes organismes que je viens d'évoquer écrivent au président de ces quatre radios qui ont déposé officiellement des dossiers de demande de dérogation. Alors, on le voit, il y a deux poids, deux mesures. Si Radio Libertaire n'est pas un regroupement, pourquoi écrire au président de ces quatre radios, ce qui est quand même, selon nous, une reconnaissance officielle de leur existence? Et pour continuer sur les mensonges de M. Filiou et quant au regroupement, c'est bien un mensonge de dire que Radio Libertaire n'a pas sa dérogation parce qu'elle a refusé de se regrouper, puisque quand il y a eu proposition de regroupement avec d'autres radios, comme Fréquence Gay, on s'aperçoit que, ayant refusé tous les deux, eux ont eu leur dérogation avec les mêmes composantes et pas nous. Donc, c'est une preuve, effectivement, pour nous, de censure politique. Le pouvoir socialiste et communiste n'a pas voulu donner, pour des raisons politiques, une dérogation à Radio Libertaire. On voudrait quand même réaffirmer ici notre écœurement sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours, avec la saisie de Carbone 14 dans un premier temps, qui a été le point de départ à ces actes de vandalisme qui se sont poursuivis dans les jours qui ont suivi. Écœuré, c'est franchement le mot, dans la mesure où les forces de police qui sont intervenues dans les locaux de ces 6 radios qui ont été saisies se sont livrées, pas dans tous les locaux mais dans la plupart, à un véritable saccage, un véritable pillage, et que ces saisies se sont faites en toute illégalité. Nous ne disons pas ça parce que nous portons un amour immodéré envers la légalité, mais enfin, ce sont des gens qui n'ont précisément que ces mots-là à la bouche, le respect de la loi, et dans ce domaine, on ne peut pas dire quand même que c'est que le gouvernement de M. Mitterrand innove en la matière, mais cela illustre encore une fois le fait que lorsque ces personnes qui ont sans cesse recours au respect de la loi veulent se distinguer, eh bien, ils s'assoient sur justement les lois qu'ils édictent eux-mêmes pour en venir à leur fin. Et c'est proprement scandaleux, et nous tenons donc à réaffirmer notre soutien à toutes ces radios qui ont été saisies et dont les locaux ont été saccagés. On revient donc maintenant avec Laurent de Radio Libertaire pour continuer à parler de l'histoire de cette radio. Comment Radio Libertaire, justement, une fois qu'elle a commencé à émettre 24 heures sur 24, qui est-ce qui était là, quels étaient les militants, comment s'est structuré l'antenne? Donc au départ, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc il y avait cette émission quotidienne, et pas toute la semaine, hein, c'était du lundi au vendredi, donc sur la base d'un invité, d'une discussion, déjà le principe des auditeurs qu'appelaient, hein, pendant les émissions. Et puis ensuite, ça s'est élargi un petit peu, on peut dire, sous l'influence de l'exigence gouvernementale, quand il a fallu que les radios émettent, je crois que c'était 18 heures par jour, hein, la durée, 18 heures d'émission en direct, si j'ai bonne mémoire. Donc à partir de ce moment-là, l'équipe de base a fait appel à tout le monde pour rentrer dans la radio. Et bon, au départ, ça a été beaucoup de militants de l'AFA. Et puis, tout doucement, des gens extérieurs à notre milieu militant sont rentrés. D'autres milieux militants proches de nous, pour commencer. Ça a été les espérantistes, ça a été l'Union pacifiste, ça a été la CNT, ça a été petit à petit d'autres associations, regroupements, organisations du mouvement libertaire ou proches du mouvement libertaire qui sont rentrés dedans, des individus du mouvement libertaire extérieurs à la Fédération anarchiste. Et tout doucement, ça s'est construit naturellement, comme ça. Comme l'aspect programmation musicale au départ qui était très axé sur la chanson française, au fur et à mesure que des gens rentraient, il y avait d'autres genres musicaux qui arrivaient. Hein. Les émissions culturelles se sont élargies aussi à plein d'autres domaines. Donc ça s'est fait au fur et à mesure des nouveaux arrivants. Après, comment a évolué, parce que là on était beaucoup sur les années 80, quelles ont été en fait les étapes un peu marquantes de la vie de Radio Libertaire au cours de ces 25 ans? Ben, je dirais que les étapes importantes de la radio se sont faites, de mon point de vue, avec le mouvement social qu'il y a autour de nous. Si je dois donner des dates déterminantes sur la vie de la radio, bon, il y a évidemment eu la saisie, cette manifestation, tout le combat des premières années de la radio, le mouvement des radios libres, bien évidemment. Et ensuite, une fois qu'on était installé sur la bande FM, je dirais que les dates essentielles pour moi, ça aura été les dates quelle radio libertaire a été liée au mouvement social, que ce soit le mouvement étudiant de 86, que ce soit 95. Pour moi, ça reste, ces dates plus quelques autres, ça reste des moments importants. Mais là, c'est aussi le militant qui parle. Ces moments de l'histoire où Radio Libertaire devient plus que d'habitude une radio de combat, bah, évidemment, ça me séduit. Ça me séduit beaucoup. En 86, par exemple, pendant le mouvement étudiant, est-ce que vous avez ouvert l'antenne à tout ce moment en changeant la grille? La grille a été complètement bouleversée. Bah, déjà, les gens qui faisaient des émissions étaient aussi pour beaucoup sur les manifestations, bien évidemment. Et donc, la grille a été bouleversée. Il y avait des tables rondes, il y avait des antennes ouvertes. Par la radio, on a beaucoup contribué à apporter des témoignages sur les violences policières. On a relayé l'ensemble des mobilisations, des manifs, etc. Donc, la radio était en plein dans le mouvement. Et c'est là qu'on se sent que Radio Libertaire se sent peut-être le mieux. D'accord. C'est une radio de lutte, c'est-à-dire qui n'est pas à l'extérieur du mouvement social et qui le commente, mais qui y participe pleinement, quoi. Quand on est en période plus de paix sociale, si on peut dire, on n'est jamais en période de paix sociale, mais si on peut dire, en temps ordinaire, on est toujours dans les luttes, puisque à travers les émissions, c'est des acteurs, des luttes qui viennent s'exprimer. Qu'il s'agisse des émissions à caractère social, syndical, associatif, qui traitent du logement, qui traitent de tout un tas de sujets, c'est toujours des gens qui sont impliqués dans des luttes, qui sont là. Donc on, c'est une façon d'être dans les luttes aussi. Mais ces moments particuliers où il y a un gros mouvement social, effectivement, c'est quelque chose qui bouleverse la vie de Radio Libertaire. Ça a été le cas, c'était 86, c'était 95. Ça a été aussi l'opposition à la guerre du Golfe. Il y a tout un tas de périodes comme ça où la nature de la radio est bouleversée. On sort du fonctionnement quotidien où chacun fait son émission pour aller vers un fonctionnement beaucoup plus militant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus investi. Mmh. Hein, et je dirais heureusement que Radio Libertaire, dans ces circonstances, se force pas, mais elle change. Enfin, sa nature évolue avec le mouvement en cours. Mmh, d'accord. Comment elle fonctionne ? Enfin, il y a combien de personnes aujourd'hui qui militent à Radio Libertaire et comment l'antenne fonctionne ? Alors, il y a une bonne soixantaine d'émissions, ce qui doit représenter environ 200 personnes, ce qui fait quand même beaucoup de monde. La radio fonctionne avec la Fédération anarchiste, même si la radio est très très ouverte. À tel point que la majorité des animateurs, animatrices ne sont pas du tout à la Fédération anarchiste. Mais l'organisation de la radio se passe au congrès de la Fédération anarchiste, qui nomme 4 mandatés pour s'occuper de la radio, sur des postes, trésorerie, programmation, association, enfin les rapports avec l'État, etc. Et la technique, programmation, association, trésorerie. Donc c'est l'aspect strictement autogestionnaire de la radio se passe dans le cadre de l'AFA, qui est une organisation autogestionnaire. Ensuite, des gens arrivent, présentent des projets, intègrent la radio, et là le fonctionnement est très très ouvert. Mais pour parler honnêtement, on ne peut pas dire que 100% des animateurs autogèrent la radio, puisque c'est la radio de la Fédération anarchiste. Mais le fonctionnement est très très ouvert dans le fonctionnement quotidien de la radio, dans la prise en charge de travail à réaliser, de projets, etc. Tout cela se fait de la part de membres de l'AFA, mais aussi de gens qui ne sont pas du tout à l'AFA, voire même pour certains qui n'ont une approche que très très lointaine du mouvement libertaire et une adhésion très partiel, je dirais, aux idées libertaires. Mmh. Mais le fonctionnement est vraiment très très ouvert. Hein. Mais on ne peut pas dire que le fonctionnement de Radio Libertaire, dans l'intégralité des gens qui la composent, est autogestionnaire, puisque c'est le congrès de l'AFA quand même donne des mandatés, des responsables à Radio Libertaire et des directions. Les quatre mandatés, c'est des personnes qui, c'est pas des personnes qui sont salariées, puisque tout à l'heure, hors antenne, tu me disais qu'il n'y a aucun salarié à Radio Libertaire, et c'est quelque chose que vous revendiquez. Alors c'est quelque chose qu'on revendique. À un moment donné, pendant un laps de temps très très court, il y a eu un salarié. Mais très rapidement, on s'est posé la question de l'utilité d'un salarié, qui était une erreur peut-être sans doute à l'époque, où une absence de travail à réaliser nous a dit il faut un salarié. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une erreur, que cette absence-là pouvait être largement comblée et même dépassée par un investissement bénévole, un investissement militant. Donc il n'y a pas de, il y a aucun salarié, y compris et surtout chez les gens qui sont porteurs d'un mandat, hein, puisque là on serait totalement en contradiction avec ce qu'on est, à savoir qu'on est complètement opposé en tant que, qu'organisation libertaire à la pratique de permanent politique. Hein. Donc il y a à la librairie du Monde Libertaire, il y a deux permanents qui sont des permanents techniques, c'est-à-dire qui n'ont aucun pouvoir politique, et à la radio, lorsqu'il y a eu un salarié, il était porteur d'aucun mandat d'ordre politique, mais seulement technique. Mais je crois que la radio, maintenant, a commencé sans salarié. Il y a une petite période avec un salarié, et je pense qu'il n'y aura jamais de permanent, jamais de salarié à Radio Libertaire. Comment est-ce que la radio, elle vit financièrement ? D'une part, comme la plupart des radios associatives, par le fonds de péréquation qui est donc accordé aux radios libres. Et puis, d'autre part, par les cartes d'auditeurs. Et depuis peu, par quelque chose qu'on a mis en place et qui marche et qui commence à marcher très bien, c'est l'adhésion à l'association des Amis de Radio Libertaire, qui permet aux gens de souscrire par le biais d'un prélèvement mensuel 5 euros ou plus par mois pour Radio Libertaire. Et donc cette formule marche pas trop mal. Ensuite, il y a tout ce qui est fait autour, du pins au t-shirt au gala de soutien. Il y a eu des galas assez très marquants pour Radio Libertaire à l'époque du soutien, à l'époque où il fallait défendre l'antenne et puis ensuite. C'est quelque chose que vous avez pratiqué assez souvent, ce gala de soutien. On a pratiqué beaucoup les galas de soutien, qui sont intéressants d'un point de vue financier, effectivement. Ça fait rentrer de l'argent. En plus, ça correspond aussi, ces galas, à des choix culturels qu'on défend. Donc il n'y a pas de contradiction, ni dans la démarche des artistes qui viennent bénévolement, ni dans cet argent qui rentre et qui est réinvesti donc, dans une action militante. Hein. Donc il n'y a aucune contradiction. Donc tout ça assure à Radio Libertaire un budget, un tout petit budget en fait. Je pourrais pas te donner de chiffres là, mais le budget Radio Libertaire, n'ayant pas de salariés, est un tout petit budget, puisque c'est uniquement les frais d'entretien, de retransmission, d'achat de matériel, peut-être le plus petit budget de la bande FM, si ça se trouve. Et alors pour finir, on a vu que dans les années 80, enfin fin des années 70, début des années 80, être une radio libre, ça signifiait très concrètement aller à la baston pour maintenir son antenne. Quoi. C'était des luttes extrêmement concrètes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être une radio libre et notamment une radio libertaire ? Ça veut dire défendre des choses auxquelles on croit. Donc pour nous, c'est vrai, comme militants, c'est beaucoup sur le terrain social que se passent les choses. Pour les animateurs qui vont avoir une préoccupation plus culturelle, ça va se passer sur ce terrain-là. Pour beaucoup, c'est des gens qui ont conscience que la culture, c'est pas quelque chose de neutre. Hein, et que là aussi, il faut se battre, il y a des choses à défendre. À partir du moment où il n'y a pas d'autre intérêt que la volonté de défendre des choix, ça fait une radio de lutte, ça fait une radio de combat, qu'il s'agisse de défendre des choix en matière culturelle, politique, sociale, mais c'est des choix. Et je pense que tous les gens qui consacrent beaucoup, beaucoup de temps à Radio Libertaire le font tout simplement parce qu'ils ont des convictions. Hein. Je pense que c'est la raison première. Même si pour eux, la radio en tant que telle reste aussi un plaisir. Hein. Faut pas non plus nier cette dimension-là, le plaisir de faire de la radio. Mais ça se conjugue avec la volonté de défendre un certain nombre de choses. Hein. Je pense que les gens qui font une émission, par exemple, consacrée aux prisons, ou l'équipe qui fait Famlim, ou ceux qui font les chroniques syndicales, ou les membres de la CNT, ou tant d'autres, ont la même force de conviction que ceux qui vont défendre une forme de théâtre, une forme de musique, etc. Et je crois que c'est ça qui fait aussi le lien. Il y avait quelqu'un qui me posait cette question un jour, qui me disait « mais il y a une unité à l'antenne. Comment vous faites ?» Je lui dis « on le fait pas, hein. c'est tout simplement une construction qui s'est faite comme ça. Les gens qui sont à Radio Libertaire défendent quelque chose. » Et je pense que c'est ça qui crée cette unité dans les programmes. Ajouter quand même aussi au fait que bon, il y a beaucoup de libertaires, il y a beaucoup d'anarchistes, et des gens qui, sans l'être, partagent quand même au moins une partie de cette sensibilité politique. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. L'intempestive, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez l'émission en rediffusion lundi à 11h sur FPP 106.3 ou bien en permanence sur www.intempestive.net. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour écouter, cette fois c'est le bon, le très bel entretien que nous avait donné Madame Silla. Ciao. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.